ce train, ce dernier train qui part vers le chagrin. Le ciel était couvert de neige. Sera comme avant, alors cet air comme